neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Sur le lac majeur.